إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous continuons sur les questions-réponses du Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhahullahu Ta'ala. Tirée du livre Hiwarun Ma'alim, discussion avec un savant. As-su'alu al-ashir, question numéro 10. ما وجه صحة نسبة الجماعات الموجودة اليوم إلى الإسلام أو وصفها بالإسلام وصحة إطلاق لفظ الجماعات عليهم وإنما جماعة المسلمين جماعة واحدة كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. Quelle est la réalité ou l'authenticité de l'affiliation des groupes qui existent aujourd'hui à l'islam ou de leur donner l'aspect islamique? Et quelle est l'authenticité de les nommer groupe hein, pour ces tendances, alors qu'en réalité, il n'y a qu'un seul groupe qui est le groupe des musulmans, comme on le voit dans le hadith de Hudhayfa radiallahu anhu. الجواب لا ريبونس الجماعات فرق توجد في كل زمان. Les groupes sont des sectes ou des tendances qui existent dans toute époque. وليس هذا الأمر بغريب. Et en cela, il n'y a rien d'étrange. قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وأما زيادة كلها في النار إلا واحدة فقد جاء نحوها عند أبي داود وانظر السلسلة الصحيحة. Donc la réponse, les groupes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les juifs se sont divisés en 71 sectes, ou 71 tendances. Et les chrétiens se sont divisés en 72. Et cette communauté va se diviser en 73. Ils iront tous en enfer, sauf une seule. فوجود الجماعات ووجود الفرق هذا أمر معروف. Donc la présence des groupes ou la présence des sectes et tendances est une chose connue. وأخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous en a informé. وقال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, et celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. ولكن الجماعة التي يجب السير معها والاقتداء بها والانضمام إليها هي جماعة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية من الجروب dont il est un devoir d'avancer avec et de le suivre convenablement et d'y adhérer, c'est celui, le groupe de Ahlus Sunnati wal Jama'a, des adeptes de la Sunna et du consensus et du groupe, et la faction rescapée. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين هذه الفرق car le messager صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a démontré ces tendances قال il dit كلها في النار إلا واحدة قالوا ومن هي قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي وانظر صحيح الترمذي والسلسلة الصحيحة. Il dit, alayhi sallatou wassalam, ils iront tous en enfer, sauf une seule. On a dit, et c'est qui au messager d'Allah, c'est-à-dire celle qui sera sauvée de l'enfer. Il dit, ce sur quoi j'étais moi, ainsi que mes compagnons. Hada huwa dhabit fil jama'at. Et voilà, le paramètre concernant les groupes. إنما يجب الاعتبار بمن كان منها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من السلف الصالح. Donc le paramètre dont il est un devoir d'en prendre compte, c'est ce sur quoi était le messager. Donc on saura que le groupe il est sur la vérité, sur la droiture, puisqu'il est sur sur quoi était le messager, ainsi que ses compagnons parmi les pieux prédécesseurs. Wallahu ta'ala yaqul, et Allah le Très-Haut dit, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dans le sens du verset, et les premiers et les prédécesseurs, les premiers parmi les muhajirin qui sont les immigrés, والأنصار qui sont les auxiliaires, ceux qui sont venus en secours des émigrés, c'est-à-dire les musulmans de la Mecque et les musulmans de Médine, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, et ceux qui les ont suivis convenablement, de la bonne manière, Allah les agrée et eux l'agréent. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, éternellement ils y seront à jamais. Voilà la grande réussite ou le grand gain. Haoula humul jama'a, ceux-là ce sont eux le groupe. Jama'a laysa fiha ta'addud wa l'inqisam, c'est un groupe dans lequel il n'y a pas de, ils ne sont pas plusieurs mais un seul groupe, et il n'y a pas de séparation là-dedans. Min awwalil ummah il a akhiriha, depuis le premier de la communauté jusqu'au dernier de la communauté. Hum jama'atun wahida, ils ne forment qu'un seul groupe. Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dans le sens du verset, et ceux qui viennent après eux disent, ô notre Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets aucune rancœur dans nos cœurs envers ceux qui ont cru, ô notre Seigneur, certes tu es bon et tu es miséricordieux. هذه هي الجماعة الممتدة من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. Et voici le groupe qui restera depuis l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم jusqu'à que l'heure sonne. وهم أهل السنة والجماعة. Donc c'est le groupe qui s'étend. le groupe qui s'étend depuis l'époque du messager sans sallam jusqu'à la fin du monde, jusqu'à que l'heure sonne. وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ Ils sont les gens ou les adeptes de la sunna et du groupe. وَأَمَّا مَنْ خَالَفَهُمْ مِنَ الْجَمَعَاتِ فَإِنَّهَا لَعْتِبَارَ بِهَا وَإِنْ تَسَمَّتْ بِالْإِسْلَامِيَةِ Et en ce qui concerne les groupes qui vont à l'encontre de cela, on n'a pas à y prêter attention, même si elles se nomment islamiques. وَإِنْ تَسَمَّتْ جَمَاعَةِ الدَّعْوَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكِ Même si elle se nomme le groupe du prêche ou autre. فَكُلُّ مَا خَالَفَ الْجَمَاعَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَإِنَّهَا مِنَ الْفِرَقِ الْمُخَالِفَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَنْتَمِي إِلَيْهَا أَوْ نَنْتَسِبَ إِلَيْهَا Donc tout ce qui va à l'encontre du groupe sur lequel était le messager, sallallahu alayhi wa sallam, alors il fera partie des groupes ou des tendances qui vont à l'encontre et qui sont divisées et il ne nous est pas permis de nous reconnaître là-dedans ou de s'y affilier. فَلَيْسَ عِنْدَنَا انْتِمَاءٌ إِلَّا لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ On ne se reconnaît que dans أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ les adeptes de la sunna et du groupe. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ Dans le sens du verset, guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. وَالَّذِينَ أنعم الله عليهم بينهم في قوله. Et ceux qui ont été comblés des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah nous les a démontrés dans un autre verset. ومن يطع الرسول فأولى ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dans le sens du verset, et celui ou ceux qui obéissent à Allah et aux messagers, voilà ceux qui seront avec ceux qui ont été comblés des bienfaits d'Allah parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quelle bonne compagnie! فالجماعه التي اتخذت منهجها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملت بقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. On a déjà vu qui a apporté ce hadith auparavant. Donc le groupe qui a pris comme voie le livre d'Allah et la sunna, la tradition de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et qui a mis en pratique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors attachez-vous à ma sunna et à celle de mes califes bien guidés qui viennent après moi, suivez-la et mordez-la à pleines dents et attention et à toute nouveauté en religion. Haoula humul jama'a al-mu'tabara, voilà le groupe qui est pris en considération. وما عداها من الجماعات فإنه لا اعتبار بها. Et tous les autres groupes en dehors de celui-là, on ne les prend pas en considération. بل هي جماعة مخالفة. Mais c'est plutôt un groupe qui va en contradiction. وتختلف في بعدها عن الحق وقربها من الحق. Et ces groupes diffèrent dans leur approche ou leur éloignement de la vérité. ولكن كلها تحت الوعيد. Mais ils sont tous les groupes, les tendances qui ont été à l'encontre du vrai groupe de la droiture, ils sont tous sous la menace que nous a annoncé le prophète عليه الصلاة والسلام. كلها في النار إلا واحدة. Tous iront au feu sauf une seule. نسأل الله العافية. Qu'Allah nous en préserve. السؤال الحادي عشر. Question numéro 11. يزعم بعض الناس أن السلفية تعتبر جماعة من الجماعات العاملة على الساحة وحكمها حكم باقي الجماعات فما هو تفنيدكم لهذا الزعم. Certaines personnes prétendent que al-salafiyya, pour ne pas dire le mot salafisme, c'est déjà à l'oreille ça sonne mal, le isme là ça sonne mal, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière, al-salafiyya, c'est le fait de suivre al-salaf. Al-salaf, ce sont les plus prédécesseurs. Le prophète, al-sahaba, al-tabi'in, tabi'in. Toutes ces générations, les premières générations, c'est eux qu'on appelle al-salaf, al-salih. Il y a une erreur que commettent certains. Ils disent, nous on est les salafs. Non, tu ne peux pas être le prédécesseur. Je suis en train de parler. Non, ce sont ceux qui t'ont devancé. Ceux qui sont venus avant toi. Et il est voulu précisément ceux des premières générations. Ou d'autres qui disent, vous les salafs. C'est très grave. Là, tu parles plus à moi, tu parles aux premières générations. Subhanallah. Mais il faut l'affiliation, le lien d'affiliation. C'est pour ça qu'on dit pour une personne, salafi, le lien d'affiliation. Comme quelqu'un qui est du Maroc. Le Maroc, c'est al-Maghrib. Un Marocain, comment on dit? Maghribi. On met le lien. L'Algérie, c'est al-Jazair. Un Algérien, Jazairi. Le lien d'affiliation, en arabe. Le lien d'affiliation. Donc, salafi, parce que il s'apparente, il s'affilie aux pieux prédécesseurs, à la, ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs. Ça, c'est pour qu'on comprenne bien le terme. Donc, certaines personnes prétendent que la salafiyya est considérée comme un groupe parmi les groupes qui existent sur le terrain. Et le jugement à son encontre est le même jugement à l'encontre des autres groupes. Quelle est votre réponse pour... quelle est votre réponse à l'encontre de cette prétention? Al-Jawab, la réponse. ذكرنا أن الجماعة السلفية هي التي على الحق وهي التي يجب الانتماء إليها. Nous avons cité que le groupe de la Salafia, c'est celui qui est sur la vérité et c'est celui dont il est une obligation de s'y apparenter. والعمل معها et de travailler avec, والانتساب إليها et de s'y affilier. Les annotations, comme les détails sur les hadiths qui les a rapportés et ainsi de suite, c'est le frère qui a rassemblé les questions-réponses de Cheikh al-Fawzan. D'accord? Il met قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit la عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. Il n'y a pas de mal, aucun reproche ne peut être fait à celui qui fait apparaître le cheminement ou la voie des pieux prédécesseurs et qui s'y affilie et qui s'y apparente avec fierté. Au contraire, il est un devoir d'accepter cela de lui, et il y a l'unanimité là-dessus. Car la voie des pieux prédécesseurs ne peut être que la vérité. Et elle n'est que sur la vérité. وَمَا عَدَاهَا مِنَ الْجَمَاعَاتِ يَجِبُ أَلَّا تُعْتَبَرَ مِنْ جَمَاعَاتِ الدَّعْوَةِ. Et tous les autres groupes en dehors de celui-là, il est un devoir de ne pas les considérer comme des groupes de prêche. لِأَنَّهَا مُخَالِفَةً car elles sont en contradiction. وَكَيْفَ نَتَّبِعْ فِرْقَةً مُخَالِفَ لِجَمَاعَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَهَدْيِ السَّلَفِ الصَّالِحِ. Et comment allons-nous suivre une tendance qui contre le groupe de Ahl Sunnah, les adeptes de la Sunnah et la guidée des pieux prédécesseurs. فالقول إن الجماعة السلفية واحدة من الجماعات الإسلامية هذا غلط. Donc le fait de dire que le groupe de la Salafia est un groupe parmi ces groupes islamiques, c'est une erreur. فالجماعة السلفية هي الجماعة الأصيلة التي يجب اتباعها والسير على منهجها والانضمام إليها والجهاد معها. Donc le groupe de la Salafia est le groupe même de la le groupe mère d'origine dont il est un devoir de suivre et de marcher sur son chemin et de s'y apparenter et de combattre dans avec. وما عداها فإنه لا يجوز للمسلم أن ينضم إليه. Et tout ce qu'il y a en dehors de cela, il n'est pas permis aux musulmans de s'y apparenter. لأنه مخالف, car il va à l'encontre. وهل يرضى الإنسان أن ينضم إلى المخالفين. Et est-ce que la personne ou l'homme est satisfait de s'apparenter à ceux qui vont à l'encontre, à ceux qui sont en contradiction? والرسول صلى الله عليه وسلم يقول alors que le messager صلى الله عليه وسلم a dit عليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Il a dit عليه الصلاة والسلام alors suivez ma sunna et la sunna des califs bien guidés qui viennent après moi. وسئل عن الفرقة الناجية. Et il a été questionné, alayhi salatu wassalam, concernant la faction rescapée, le groupe sauvé, faqad, et il dit, ma ana alayhi wa ashabi, ce sur quoi j'étais moi, ainsi que mes compagnons, hal yuridu l'insan, an najata, wa yasluk ghayra tariqiha, est-ce que l'homme, il veut être sauvé sans prendre le chemin qui le sauvera? D'un côté, il veut être sauvé, mais il ne veut pas entreprendre le chemin qui va le sauver. Puis le cheikh, il nous ramène un vers de poésie qui va dans ce sens. Tarju an-najata wa lam tasluk masalikaha inna as-safinata la tajri 'ala al-yabasi. Donc, tu espères être sauvé, mais tu n'as pas entrepris le chemin. Certes, le bateau, comment on dit pour le bateau? Le bateau ne navigue pas sur le dur, sur l'eau. Un bateau, si tu mets sur un sol, il ne bougera pas. Si tu poses sur de la terre, il ne bougera pas. Sur de l'herbe, il ne bougera pas. Pour qu'il bouge, qu'est-ce qu'il faut pour le naviguer? Il faut le mettre sur l'eau. Subhanallah. Al-Su'al al-Thani Ashar. La question numéro 12. ما هي جماعة التبليغ وما منهجها الذي تسير عليه وهل يجوز الانضمام إليها والخروج مع أفرادها كما يقولون للدعوة ولو كانوا متعلمين وأهل عقيدة صحيحة كأبناء هذه البلاد مثلا. Qui sont le groupe de التبليغ et quelle est leur voie ou leur cheminement sur lequel ils avancent? Et est-ce qu'il est permis de s'y apparenter et de sortir avec les personnes de ce groupe, comme ils disent, pour le prêche? Et même si ils ont la connaissance et qu'ils ont une aqida et un dogme authentique, comme ceux qui sont apparentés à ce mouvement et qui font partie du pays, les enfants du pays, l'année de l'Arabie Saoudite. Al-Jawab, la réponse. Al-Qa'idatu التي يجب اتباعها. La règle dont il est un devoir de suivre. أن الجماعة التي يجب الانضمام إليها والسير معها هي الجماعة التي تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Que le groupe dont il est un devoir de s'y apparenter et de s'y affilier et de marcher avec, c'est le groupe qui avance sur le même chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Amma ma khalafaha fa innahu yajibu an natabarra minhu. Mais ce qui va à l'encontre, ou le groupe qui va à l'encontre de cela, on se doit, il est un devoir de nous en désavouer. Na'am, yajib 'alayna an nad'uhum ila Allah wa an nubayyin akhta'ahum. Bien sûr, il est un devoir pour nous de les inviter à Allah, de les prêcher à Allah et de leur démontrer et leur clarifier leurs erreurs. Wa an nad'uhum ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam wa ma kana alayhi as-salaf as-salih. On les invite on les prêche au livre d'Allah, à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs. Car cela est un devoir, une obligation pour nous. Mais du fait de nous apparenter à eux, de nous adhérer à eux, et de sortir avec eux, et de marcher selon leurs règles, وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَيْسُ عَلَى طَرِيقٍ صَحِيحٍ. Alors que nous, on le sait, qu'ils ne sont pas sur le bon chemin, le chemin authentique, فَهَذَا لَا يَجُوزُ. Ceci n'est pas permis. لِأَنَّهُ وَلَا لِغَيْرِ جَمَاعَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Car c'est une alliance envers autre que le groupe de la sunna et du groupe. Donc le frère qui a rassemblé les questions-réponses, il dit dans la notation, قَدْ كُتِبَ فِي نَقْدِ جَمَاعَةِ التَّبْلِيغِ مُؤَلَّفَاتِ عِدَّةِ مِنْ أَجْمَعِهَا كِتَابَ الْقَوْلُ الْبَلِيغِ فِي التَّحْذِيرِ جَمَاعَةِ التَّبْلِيغِ لِلْعَالِمِ الْجَلِيلِ الشَّيْخِ حَمُودُ التُوَيْجِرِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَانْظُرْ فَتَاوَى سَمَاحَةِ الشَّيْخِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَازٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَلِكَ تَحْذِيرِ الشَّيْخِ صَالِحِ الْفَوْزَانِ وَفَّقَهُ اللَّهُ مِنْ هَذِهِ الْجَمَاعَةِ فِي مُقَدِّمَتِهِ لِكِتَابِ كَشْفُ السِّتَارِ. Donc là, le frère, il nous ramène des références où on peut voir en détail ce qui est reproché au groupe de Jama'at al-Tablir, parmi lesquels le livre, et il a dit le livre qui est le plus complet dans ce domaine, c'est Al-Qawl al-Balir fi Tahdhim Jama'at al-Tablir du Cheikh Hamoud al-Tuwayjiri, rahimahullah, et aussi Cheikh Ben Baz, rahimahullah, dans ses fatawa, hein, il a répondu sur ce point-là, ainsi que la mise en garde de Cheikh Salah al-Fawzan dans son introduction du livre Kashf al-Sitar. السؤال الثالث عشر. Question numéro 13. ما حكم وجود مثل هذه الجماعات التبليغ والإخوان وحزب التحرير وغيرها في بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة؟ Quel est le jugement sur la présence de certains groupes comme التبليغ, les frères musulmans, Hizb al-Tahrir, en général beaucoup de frères ne connaissent pas, c'est un mouvement, il est beaucoup présent en Angleterre, et c'est un mouvement qui découle du mouvement des frères musulmans, il était né en Jordanie, et en France il y en a quelques-uns qui le suivent, mais alhamdoulilah ce n'est pas quelque chose de très très répandu. Bonjour, subhanallah. Naam. Et bien d'autres dans notre pays précisément, et d'un point de vue général dans les pays des musulmans. El Jawab, la réponse. Biladuna, donc le chef parle pour l'Arabie Saoudite. Biladuna, walillahi alhamd, kanat jama'atun wahida wa la tazal. Notre pays, louange à Allah, on ne formait dans notre pays qu'un seul groupe et on l'est toujours. Jama'a wahida bi kulli afradiha wa kulli hadiratiha wa badiyatiha. On n'était qu'un seul groupe dans ce pays, uni, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes. Tassiru ala manhaj al-kitab wa sunnah. Le cheikh parle d'un point de vue général. Général, on avançait selon la voie du livre de la sunnah. Tahkum bi shari'a وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم الحدود ويوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا. La charia est appliquée, on y ordonne le convenable, on y interdit le blâmable et on y applique les sentences religieuses, et chacun était allié à l'autre, les habitants, et chacun aimait son prochain. أما هذه الجماعات الوافدة. Mais ces groupes qui sont venus après, ceux qui sont entrés dans le pays, فيجب ألا نتقبلها. Il est un devoir de ne pas les accepter. لأنها تريد أن تنحرف بنا أو تفرقنا. Car qu'est-ce qu'elle veut? C'est nous faire dévier ou alors nous diviser. وتجعل هذا تبليغيا وهذا إخوانيا. Et faire de nous celui-là un tablighi et celui-là un frère musulman. le frère qui a assemblé les questions-réponses, il dit en annotation. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. Le cheikh عبد العزيز بن باز رحمه الله dit dans ses fatawa. حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم. خواص أهل العلم. لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع إلى أن قال رحمه الله وكذلك ينتقدون عليهم عدم العناية بالسنة تتبع السنة والعناية بالحديث الشريف وما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية. Il dit, le mouvement des frères musulmans est réfuté par des grands savants. Ce n'est pas n'importe qui les a réfutés, ce sont des grands savants qui les ont contrés et qui les ont réfutés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucun travail fait dans le prêche vis-à-vis de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et de combattre le polythéisme et de combattre les innovations. Il a encore, le cheikh a parlé encore d'autre chose, mais là il ramène que des points importants. Jusqu'à ce qu'il a dit, le cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et de même, il leur est reproché, ils leur font le reproche sur le fait qu'ils négligent la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne cherchent pas à suivre la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ne donnent pas d'importance au hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs de la communauté sur leurs règles religieuses. On revient à la parole de la réponse de Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah. Wa hadha kaza. Lima hadha tafarruq. Donc voilà, et pour qu'on en arrive à être, celui-là il est tabliri, celui-là il est frère musulman, et celui-là il est ainsi. Pourquoi donc cette division ? Donc wa hadha kaza, lima hadha tafarruq. هذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. Ceci est une ingratitude vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le kufr, on le traduit par la mécréance et on le traduit par l'ingratitude. L'ingratitude d'oublier ou de renier les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. ونحن على جماعة. Et donc il faut savoir quand est-ce qu'il veut dire ça, quand est-ce qu'il veut dire ça. ونحن على جماعة واحدة وبينة من أمرنا. Et nous sommes un seul groupe et nous sommes sur une certitude de notre situation. On sait très bien ce sur quoi on est. لماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. Alors pourquoi allons-nous changer ce qu'on a de meilleur pour ce qui est mauvais, de plus mauvais. لماذا نتنازل عما أكرمنا الله سبحانه وتعالى به من الاجتماع والألفة والطريق الصحيح وننتمي إلى جماعات تفرقنا وتشتت شملنا وتزرع العداوة بيننا هذا لا يجوز أبدا. Pourquoi nous allons céder vis-à-vis de ce qu'Allah nous a donné comme bonté et comme générosité, qui est l'union, la bonne entente, le chemin authentique, et on va délaisser ça pour aller où ? Pour aller s'apparenter ou s'affilier à des groupes qui ne feront que nous diviser et séparer notre union. Et vont nous ramener, vont nous faire naître entre nous l'animosité, et ceci n'est pas permis. Le frère qui a réuni les questions-réponses, il dit للاستزادة في معرفة خطر الجماعات الحزبية انظر الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة للشيخ صالح الفوزان التي قام بجمعها الأخ جمال الحارثي والمورد العذب الزلال للشيخ أحمد النجمي وحقيقة الدعوة إلى الله للشيخ سعد الحصين وحكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية للشيخ بكر أبو زيد. Donc il nous dit que pour avoir encore plus de connaissances pour savoir encore plus concernant le danger de ces groupes partisans, regarde le livre qui s'appelle Al-Jubat al-Mufid, les réponses bénéfiques concernant les nouveaux groupes du Cheikh Saleh Fawzan, et qui ont été compilés, c'est des questions-réponses, par le Cheikh, le frère Jamal al-Harithi. Et le livre Al-Mawlid al-Abd al-Zulal du Cheikh Ahmad al-Najmi, rahimahullah. Et aussi La réalité de la da'wa à Allah, Haqiqat al-Da'wa ila Allah, du Cheikh Saad al-Husayn. Et aussi le livre Le Jugement sur le fait de s'apparenter aux sectes, aux partis et aux groupes islamiques du Cheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah. Al-Su'al al-Rabi'ashar, la question numéro 14, et qui est la dernière question. Et le frère qui a assemblé ces questions, il nous dit هذا السؤال هو نهاية الحوار الموجود في الشريط السمعي من إصدار تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية بعنوان لقاء حول الجماعات الإسلامية. Cette question, la numéro 14, c'est la dernière question qu'on retrouve dans l'audio sur, dans la rencontre avec le Cheikh Saleh Al-Fawzan, et qu'on retrouve dans les éditions de Taïba de Médine, et qui a comme titre Rencontre concernant sur les groupes islamiques. نرجو التكرم بالنصيحة والتوجيه للذين اغتروا بمثل هذه الجماعات وانضموا إليها أو دعوا بدعوتها. Nous espérons que vous donnerez un conseil et une recommandation ou une directive pour ceux qui ont été attirés par ces groupes, ou s'ils sont apparentés, ou alors ils ont fait le prêche de la même manière qu'eux. Ils ont prêché avec leur prêche. Al-Jawab, la réponse. Ned'u jami'a shabab al-muslimin, wa khususan fi hadhihi al-bilad, ila al-ruju'i an al-khata. Nous appelons tous les jeunes musulmans, et plus précisément de ce pays, il parle de son pays, l'Arabie Saoudite, de revenir et de revenir sur cette erreur. وَأَنْ يَنْضَمُّوا إِلَى الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمُتَمَثِّلَةِ فِي زَمَانِنَا وَاللَّهِ الْحَمْدِ فِيمَا كَانَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ هَذِهِ الْبِلَادِ الْحَقِيقِيُّونَ وَشَعْبُهَا. Et qu'ils s'apparentent au groupe sauvé, à la faction rescapée qui est connu dans notre époque, louange à Allah, qui est le chemin sur lequel étaient les véritables savants de ce pays et son peuple. فَكُلُّهُمْ نَشَأُوا عَلَى التَّوْحِيدِ وَسَارُوا عَلَى الْجَادَّةِ الصَّحِيحَ وَالْمَنْهَجِ الصَّحِيحِ. Tous, ils ont grandi, ils ont passé leur enfance sur le tawhid, et ils ont avancé sur la droiture authentique et la voie authentique. وَأَلَّا نَلْتَفِتَ إِلَى الْفِرَقْ وَإِلَى الْجَمَعَاتِ. Et on ne doit pas prêter attention aux sectes et aux groupes. وَإِلَى الْحِزْبِيَاتِ, ainsi qu'aux partis. وَإِلَى الْمُخَالَفَاتِ, et tout ce qui va en contradiction. لِأَنَّ هَذَا يَسْلُبُ هَذِهِ النِّعْمَ عَنْ بِلَادِنَا. Car cela va nous enlever ce bienfait de notre pays. وَيُشَتِّتُ جَمَعَتَنَا, et il va disperser notre groupe. وَيُفَرِّقُ بَيْنَ قُلُوبِنَا, et il va diviser entre nos cœurs. وَهَذَا التَّعَادِي الَّذِي يَحْصُلُ بَيْنَ الشَّبَابِ الْآنَ هُوَ بِسَبَبِ النَّظَرِ إِلَى مِثْلِ هَذِهِ الْجَمَعَاتِ. Et cette animosité qu'on retrouve aujourd'hui, à notre époque, entre les jeunes de chez nous, il est causé par ces groupes, et d'avoir été voir ce qu'il y a dans ces groupes, et d'être attiré par ces groupes, et d'avoir fait la publicité de leurs idées, et je les invite à s'attacher, à se cramponner au dogme authentique et à la voie authentique, الذي يدعو إلى الكتاب والسنة, qui appelle cette voie authentique, qui appelle au livre et à la sunna, al-manhaj, al-ladhi sarat alayhi, al-da'wah al-islahiyya, al-lati tabannatha biladuna, منذ أكثر من 200 سنة. La véritable voie sur laquelle était ce prêche de réforme qui a été pris en considération par notre pays depuis près de 200 ans. Al-Mutamathila bidawat al-Imam al-Mujaddid, Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, hein, qui est reconnu comme étant la da'wah de l'imam réformateur, le Cheikh de l'Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, car ce Cheikh, ce grand savant, n'a fait que appeler les gens à revenir à la voie des plus prédécesseurs, à revenir au prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de n'adorer qu'un seul Dieu véritable, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et de suivre convenablement le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Il n'a pas appelé à sa propre personne, il n'a pas appelé à un tel ou un tel, il a appelé à suivre convenablement le dogme et l'islam comme fut vécu à l'époque du prophète, des compagnons et des tabi'in, rahimahumullah. هي دعوة ناجحة قامت عليها بلادنا حتى أقر الأعداء أننا نعيش أرقى أنواع الأمن والاستقرار والسلام في العالم. Et c'est un prêche qui réussit, sur lequel a été fondé notre pays, jusqu'à que même les ennemis ont reconnu que dans notre pays on vivait la sûreté, la meilleure des sûretés, la sécurité et la paix dans ce pays. Et ça, c'est quelque chose de reconnu, que même les ennemis lui reconnaissaient ça dans le monde. فَلِمَاذَا نَسْتَبْدِلْ هَذِهِ النِّعْمَةِ بِأَفْكَارِ الْآخَرِينَ. Alors pourquoi nous allons changer ce bienfait et cette bonté pour les idées des autres? الَّتِي مَا نَفَعَتْ فِي بِلَادِهَا. Ces gens et ces groupes qui n'ont même pas pu être bénéfiques dans leur propre pays. فهذه الأفكار وهذه الدعوات وهذه الجماعات ما نفعت في بلادها. Donc ces idéologies et ces prêches et ces mouvements et ces groupes n'ont pas été bénéfiques dans leur propre pays. ولا كونت في بلادها جماعة إصلاحية. Et ils n'ont même pas pu former dans leur pays un groupe réformateur. ولم تحولها من علمانية أو وثنية أو قبورية إلى جماعة إسلامية صحيحة. Et ils n'ont pas fait changer ce qui se passe dans leur pays. Hein? Il y a la laïcité, il y a le polythéisme, il y a l'adoration des tombes et des mausolées. Ils n'ont pas pu changer les gens de ces choses-là, de ces choses abominables, vers un groupe qui est dans l'islam authentique. هذا دليل على عدم نجاحها. Et ça, c'est une preuve comme quoi ils n'ont pas réussi. فلماذا نحن نعجب بها ونروج وندعو لها. Alors pourquoi nous allons être étonnés, nous allons être attirés par ces mouvements-là et nous allons leur faire de la publicité et nous allons prêcher pour elles. Et là, la réponse de Cheikh, elle se termine, Hafizahullahu Ta'ala, et le frère qui a assemblé ces questions-réponses, il dit en annotation. وَمِمَّا قَالَهُ الشَّيْخ صَالِحُ الْفَوْزَانِ وَفَقَهُ اللَّهُ حَوْلَ خُطُورَةِ هَذِهِ الْجَمَاعَاتِ فِي مُقَدِّمَتِهِ لِكِتَابِ حَقِيقَةِ الدَّعْوَى إِلَى اللَّهِ لِمُؤَلِّفِهِ الشَّيْخ سَعْدُ الْحُصَيِّنِ. Et parmi ce qu'a dit le Cheikh صَالِحُ الْفَوْزَانِ وَفَقَهُ اللَّهُ concernant le danger de ces groupes, il a dit cela dans son introduction du livre, la réalité du prêche à Allah du Cheikh, de l'auteur سعد الحصين حفظه الله. ومن آخر ذلك ما نعايشه الآن من وفود أفكار غريبة مشبوهة إلى بلادنا باسم الدعوة على أيدي جماعات تتسمى بأسماء مختلفة. Et en dernier lieu, ce qu'on vit aujourd'hui, on voit l'arrivée et l'entrée d'idéologies étranges, douteuses dans notre pays, et ils entrent au nom de la da'wah, au nom du prêche, et cela entre les mains de groupes qui ont des noms différents. Misl, comme جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة كذا وكذا comme le groupe des frères musulmans, le groupe de tablir et le groupe de ci et ça. وهدفها واحد وهو أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. Mais leur but au final de ces groupes, de ces mouvements, de ces tendances, leur but, il n'est qu'un. C'est quoi? C'est d'effacer le prêche au monothéisme qu'il y a dans le pays pour y prendre sa place. Pour y prendre sa place. وفي الواقع أن مقصود هذه الجماعات لا يختلف عن مقصود من سبقهم من أعداء هذه الدعوة المباركة. كلهم يريدون القضاء عليها. Et en réalité, le but de ces groupes et de ces mouvements, ils ne diffèrent pas là-dedans. Ils ne divergent pas là-dedans. Leur but n'est un, et c'est le même but qu'avaient les ennemis qui les ont précédés pour mettre un terme à ce prêche béni. Ils veulent tous y mettre un terme. لكن الاختلاف اختلاف خطط. Mais leur divergence et leur différence, c'est que dans les moyens et dans les tracés. Mais le but, c'est le même. Et c'est comment l'atteindre, c'est sur ça qu'ils diffèrent et qu'ils divergent. فقط وإلا لو كانت هذه الجماعات حقا تريد الدعوة إلى الله فلماذا تتعدى بلادها التي وفدت إلينا منها. Et si vraiment ces groupes, en réalité et véritablement, ils voulaient prêcher pour Allah, pourquoi alors ils ont quitté leur pays desquels ils nous viennent? وهي أحوج ما تكون إلى الدعوة والإصلاح. Alors que ces pays sont encore plus dans le besoin du prêche et à la réforme. تتعداها وتغزو بلاد التوحيد تريد تغيير مسارها الإصلاحي الصحيح. Donc, ils outrepassent leurs frontières et ils viennent en tant que conquérants à l'encontre du pays du monothéisme et ils veulent changer le chemin qui a été tracé pour la réforme authentique إلى مسار معوج vers une réforme qui est tordue et qui n'est pas droite. وتريد التغرير بشبابها. Et ils veulent avoir accès pour détourner les jeunes. وإيقاع الفتنة والعداوة بينهم. Et y mettre et y creuser la discorde, le trouble et l'animosité entre eux. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.